Le Mag Info de 18h15 à Djoumani Romaric. La vraie sagesse est de ne pas sembler sage. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine d'information sur le premier média certifié de Côte d'Ivoire et deuxième en Afrique à la norme DTI Sen Workshop Agreement 17493. À présent, les titres. Réforme d'impôt sur le traitement des salaires, ITS, rencontre décisive à Bouaké pour éclairer chefs d'entreprise et salariés. Une cérémonie d'honneur dédiée aux lauréats des établissements Henri Poincaré, vainqueurs de plusieurs prix. Côte d'Ivoire, PME mobilisée contre le blanchissement de capitaux. C'est tout pour les titres. L'impôt sur le traitement des salaires ITS est un prélèvement fiscal applicable aux salaires, pensions et rentes viagères. L'ordonnance 2023-719 du 13 septembre 2023 a pour objectif de réformer ce système d'imposition. Pour clarifier les implications de cette ordonnance, le comité local de concertation État-secteur privé Bouaké a organisé une rencontre le mercredi 12 juin 2024. Cette session, tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké, visait à appliquer les nouvelles dispositions fiscales aux chefs d'entreprise et aux salariés. Théodore Djedjé, chef du Centre des impôts de Bouaké 2, a exposé le contexte et les objectifs de cette réforme, soulignant l'importance de cet échange pour éclaircir les nouvelles règles fiscales. Nous avons été sollicités par le comité central pour venir faire une présentation sur la réforme des ITS. C'est une réforme importante, réforme qui apporte beaucoup de changements, d'innovations dans la présentation des ITS, dans le montant à soumettre aux impôts et notamment dans la façon de calculer aussi les ITS. Beaucoup de cabinets nous ont interpellés là-dessus, nous ont sollicité. Donc on a pensé à juste titre que c'était une bonne occasion qu'on nous donnait pour justement venir échanger avec nos partenaires, avec les contribuables pour faire comprendre cette réforme-là. Madame Billy-Marie Pascal, chef du service assiette des impôts de Bouaké 1, a expliqué en détail la méthode de prélèvement des impôts selon ce nouveau cadre législatif. Elle a fourni des informations sur le calcul et le recouvrement des impôts afin de s'assurer que les contribuables comprennent bien comment les nouvelles règles s'appliquent à leurs salaires, pensions et autres revenus. Il faut dire qu'au niveau des réformes des ITS, les réformes touchent les retraités. Les retraités, à partir de 60 ans, ils ont un abattement de 320 000 francs sur leur salaire. Et maintenant, les impôts se calculent, il y a une double limite. C'est-à-dire que les avantages touchent déjà la tranche de salaire et les avantages touchent également le nombre de parts. Maintenant, au niveau des retraités, pour un retraité qui a à partir de 70 ans, il a cet abattement de 320 000 francs. Et il a aussi l'abattement de 75% sur la réduction de ses impôts. Et il bénéficie aussi du nombre de parts. Si le salarié il est marié et il a des enfants, on parle de parts. S'il n'est pas marié et il est célibataire, il a une part. Maintenant, quand il n'est pas marié et qu'il a des enfants, chaque enfant bénéficie d'une demi-part. Les participants, comprenant des chefs d'entreprise et des salariés, ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative qui les a aidés à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Je suis Mme Yawa Afoué-Marie-Jeanne, présidente de la plateforme d'innovation Manioc de la région de Bekè. Pour nous qui avons déjà emboîté le pas aux autres, nous vivons vraiment la difficulté. Mais on sait que c'est une belle initiative. Mais nous, ce que nous souhaitons à la longue, que les sensibilisations soient faites, qu'on nous dise le bien fondé de ce que c'est que l'impôt, pourquoi payer les impôts et qu'est-ce que l'impôt fait pour nous. Il nous sera très intéressant de tout savoir et puis d'être vraiment à plein pied dans la chose. Je suis Olivia Kewa, étudiante au licence 3 sciences de gestion. La réduction du montant de l'impôt concerne uniquement les hommes. La femme a répondu comme ça que les enfants sont uniquement à la charge des hommes. Et après encore, nous parle de l'émancipation. Non, j'ai l'impression que non, il y a une contradiction à ce niveau-là. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord avec le calcul de l'impôt. Le fait que ça ne concerne que les hommes. C'est pas bon. L'ordonnance 2023-719 concerne plusieurs catégories de travailleurs, incluant les chefs d'entreprise, les salariés réguliers ainsi que les travailleurs occasionnels et journaliers. Alfred Hamon, fondateur des établissements Henri Poincaré, est reconnu pour sa passion pour le football en particulier. Surnommé le baron des OHU par les joueurs et autres athlètes, il a été un grand mécène sportif de Boaké pendant 30 ans. Cette tradition continue à prospérer grâce aux nouveaux dirigeants de ces établissements qui valorisent toujours cette discipline sportive. En effet, lors de la première édition du concours de théâtre organisé par le Millennium Challenge Corporation, MCC, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, et les compétitions de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OHU, les lauréats ont été honorés par le directeur général des établissements Henri Poincaré Boaké, Dr Kwaku Kuna Marcelin, le mardi 11 juin 2024 à E7 Poincaré Boaké. Ils ont remporté plusieurs prix à l'issue des compétitions scolaires. Anderson Kofi, responsable du service socio-culturel des établissements Henri Poincaré, nous éclaire au micro de nos reporters Ferdinand Conan et Chris Traoré. C'est la toute première édition au niveau de Boaké. Et donc, à cette édition, Poincaré n'a pas voulu se faire compter les événements chauds. Et donc, face à cette qualité dont Poincaré regorge, il était question de redorer d'une certaine manière, du point de vue artistique, du point de vue sportif, de redorer l'image de Poincaré pour imposer donc ce respect-là, hormis la formation académique au cours de laquelle même les établissements Henri Poincaré brillent de par les résultats scolaires et académiques. Et à cette grande compétition, nous avons inscrit les établissements Henri Poincaré qui sont revenus à la maison avec beaucoup de gadgets, beaucoup de trophées. Avec les lauréats, c'était la joie, la satisfaction et la fierté qui les animaient. Écoutons-les. Sangare Ibrahim, élève en première D2 au collège Henri Poincaré. Fier, on a le sentiment encore que l'année prochaine, on peut même mieux. L'année prochaine, on va essayer d'aller plus loin que ce qui s'est passé cette année. Soumaoro Amiata Raïssa, je suis élève en classe de première GE aux établissements Henri Poincaré. Nous sommes tous en joie et puis, en tout cas, nous sommes vraiment contents. On ne pensait pas qu'on pouvait remporter un prix, donc nous sommes vraiment contents. Quels ont été les défis et les stratégies mises en place favorisant ce succès? Découvrons-les avec Franck Conan Kwaku, professeur d'éducation physique et sportive EPS aux établissements Henri Poincaré Boaké. C'est le travail, parce que quand je prenais l'équipe, comme tout à l'heure je l'avais dit, ou bien le DG l'a signifié, ça fait quand même des années que Poincaré n'a pas participé à ces compétitions-là. Et cette année, on a décidé à l'interne de vraiment se lancer. Et il faut dire qu'on n'a même pas d'équipe comme ça. On a dû travailler, former une équipe avec la graine qui était là. Et puis aujourd'hui, le travail a payé. Donc c'est en quelque sorte le travail, si je peux dire le secret, c'est le travail. Puis on promet encore le meilleur, voilà, pour l'établissement de Poincaré pour les années à venir. Parce qu'il y a de la bonne graine à l'école. Monsieur Kwan Gilbert, directeur des études chargées à l'enseignement technique et la formation professionnelle et représentant de Dr Kwaku Kuna Marcelin, directeur général des établissements Henri Poincaré Boaké, a félicité les lauréats avant de rassurer les parents au bienfait du sport sur les résultats scolaires. Nous sommes venus aujourd'hui les célébrer, les féliciter et nous n'avons pas manqué de leur dire que l'art, la culture, ça va de pair avec les résultats scolaires. Il faut faire mentir les gens qui pensent que quand on s'adonne à l'art et à la culture, au sport, c'est parce qu'on ne vaut rien en classe. Oh, c'est tout le contraire. Là, par exemple, cette année, on a participé au concours de Miss Mathématiques et la lauréate régionale en mathématiques série A1 est venue de Poincaré. Et c'est une fille. Donc, c'est notre fierté. Et vraiment, nous voulons dire aux parents de faire le bon choix en inscrivant leurs enfants au collège Henri Poincaré. Parce que l'enfant à Henri Poincaré ira à l'école, fera les arts, il fera aussi le sport et cela contribue à son développement total. En somme, la cérémonie de remise de prix a été un moment fort en émotion et en reconnaissance pour les établissements Henri Poincaré. Le succès des lauréats témoigne de l'engagement constant et de l'institution envers l'excellence sportive et éducative. Lundi 10 juin 2024, Côte d'Ivoire PME, petite et moyenne entreprise, a organisé une rencontre avec les commerçants de Boaké axée sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'événement s'est tenu dans la salle de la préfecture de région de Boaké, réunissant un grand nombre d'acteurs du secteur commercial local. L'initiative de Côte d'Ivoire PME vise à sensibiliser et à former les commerçants sur les méthodes et les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux, un fléau qui nuit à l'économie et à l'intégrité du commerce. Les détails avec M. Arthur Pognon Milei, chargé de programme au niveau de Côte d'Ivoire PME. Nous sommes là dans le cadre de la présentation d'une plateforme concernant le ministère de l'Industrie qui concerne l'attestation d'identification des PME. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, au niveau de Côte d'Ivoire PME, nous avons ce qu'on appelle le statut de l'entrepreneur, qui est comme un statut provisoire en attendant d'avoir le registre de commerce. Et maintenant, le point important même de cette campagne-là, c'était sur le blanchiment des capitaux, qui est quelque chose qui, je vais dire, qui mine notre société et qui sert même à financer le terrorisme. Donc cette activité-là, c'est pour attirer l'attention des PME, attirer l'attention des artisans sur ce phénomène-là, sur ce fléau qui mine, je vais dire, notre société. Et sans qu'on ne s'en rende compte, ce sont les PME qui sont beaucoup utilisées par toutes ces personnes qui font des activités illicites et qui veulent par la suite blanchir leur argent. Comme conseil, il faut prendre les informations, mais aussi bien structurer son entreprise de telle sorte qu'on puisse tenir une comptabilité, avoir des preuves de tout ce que l'on fait comme activité, comme versement, comme recette, tout ce qu'on a comme activité, avoir des preuves. Lors de cette rencontre, divers intervenants ont pris la parole pour expliquer les mécanismes du blanchissement de capitaux et ses répercussions négatives. Des experts en finance et en législation ont fourni des explications détaillées sur les techniques couramment utilisées pour les blanchisseurs et sur les signaux d'alerte que les commerçants doivent connaître. Mamadou Fadiga, directeur régional du commerce, a souligné l'importance de la vigilance avant de partager quelques conseils aux commerçants. C'est un message d'invite aux populations, notamment aux entrepreneurs, dans le cadre de l'identification des petites et moyennes entreprises. Puis deuxièmement, c'est un message de sensibilisation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux. Vous savez que les PME sont un maillon important de la chaîne de développement de notre pays. Et en tant qu'acteur important, il était important donc pour l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère du Commerce d'attirer leur attention sur les risques éventuellement qu'ils peuvent générer dans le cadre de la manipulation de certains capitaux. Et cela peut être donc source de blanchiment des capitaux. Donc il fallait leur donner des conseils dans ce sens. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui à travers cette campagne de sensibilisation. Quelques présentations pratiques ont été organisées pour permettre aux participants de mieux comprendre les procédures à suivre en cas de suspicion de blanchissement de capitaux. Les commerçants ont pu poser des questions et partager leur expérience, favorisant ainsi un échange constructif et enrichissant. Monsieur Soumaïla Doumbia, président régional des commerçants de Boaké, a souligné l'importance de la vigilance et de la coopération entre les commerçants et les autorités. Chacun d'entre nous doit mener un combat, que ce soit nous, les syndicats, qui protégeons nos commerçants, nos syndiqués. Et il est important aujourd'hui de surveiller ces menaces aujourd'hui qui menacent la Côte d'Ivoire. Et aussi, il est important pour nous de dénoncer les personnes qui font ces pratiques-là, afin que des mesures idoines soient prises pour freiner ces phénomènes de blanchissement d'argent. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la sensibilisation et la formation de nos commerçants, afin qu'ils deviennent des acteurs crédibles et qu'ils ont des documents afférents à leur activité, qui leur permettra désormais d'être identifiés, qui leur permettra désormais de faire un suivi de ces activités et de leurs activités aussi commerciales. La lutte contre le blanchissement des capitaux est un combat de longue haleine. Mais avec des initiatives comme celle de Côte d'Ivoire PME, la ville de Boaké se positionne comme un acteur déterminé à éradiquer ce fléau, assurant ainsi un environnement commercial sain et sécurisé. Fin de ce 18h15, maintenant le rappel des titres. Réforme d'impôts sur le traitement des salaires ITS, rencontre décisive à Boaké pour éclairer chefs d'entreprise et salariés. Une cérémonie d'honneur dédiée aux lauréats des établissements Henri Poincaré, vainqueur de plusieurs prix. Côte d'Ivoire PME mobilisée contre le blanchissement de capitaux. Merci à l'équipe de rédaction, merci à la techno-réalisation, merci à vous qui l'avez suivi. Suivez l'entretien du jour avec M. Sékou Touré, enseignant à la retraite, par ailleurs président de l'ONG École pour tous. Autour du thème, les classes passerelles, mécanismes d'insertion des enfants hors école. D'ici, rendez-vous pris très prochainement.